Salut, comment tu t'appelles? Laurence, et toi? Moi, c'est Hubert. Tu habites où? À Paris. Et toi, tu habites où? J'habite à Québec. Quelle est ton adresse mail? hubert22@yahoo.fr. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. C'est hubert22@yahoo.fr. Et quel est ton numéro de téléphone? C'est le 06 43 16 45.